Bruno. On va commencer cette nouvelle interview de cette furieuse Furania semaine radiophonique réalisée en lien étroit par Radio Dio et la Furania Team à l'occasion de la sortie de la quadruple compilation livre Furania, j'y suis arrivé. Par une grande vérité, trop vieux pour mourir jeune, je pense que presque tous, on peut la mettre. Donc là, on a la chance de recevoir Ursa Minor, représentée par Jean-Pierre et par Lucie. On va passer un petit moment ensemble avec une petite sélection de musique, on va parler un peu de l'histoire d'Ursa, tranquille. Et puis voilà, donc je vous préviens, ils ont pris celui qui a le moins de mémoire et la tête la plus percée pour vous poser des questions, donc il va falloir que vous soyez bons dans vos souvenirs. Donc bah, je vais vous laisser vous présenter déjà pour commencer. Voilà, bon, bah, c'est Jean-Pierre, je fais partie de la team d'Ursa pendant pratiquement tout le temps où cette magnifique aventure a existé. Bien évidemment, quand on parle d'Ursa Minor, on ne raisonne pas en termes de personnalité, mais Ursa Minor est avant tout un collectif, c'est-à-dire une équipe qui était un peu élastique. On avait le droit de rentrer dans l'équipe, on avait le droit d'en sortir. Rien n'était figé. Voilà, avec Lucie qui est à mes côtés, avec d'autres, avec D12, avec Stan, avec Marion, évidemment. J'en oublie, évidemment. On a travaillé ensemble à faire au mieux pour apporter à nos amis, à notre ville, des choses sympathiques et des soirées rock'n'roll et heureuses surtout. Après, je crois que je t'avais dit ça au téléphone, Dom, quand on s'était appelé pour préparer l'émission. Est-ce qu'on peut raconter qu'on a marché sur la Lune ? C'est très difficile de raconter qu'on a marché sur la Lune pendant 10 ans. Donc, raconter comment ? Comment t'as fait ? Nous, on a eu la chance de marcher sur la Lune pendant 10 ans. Et puis, on espère que pour avoir quelques contacts avec ceux qui vont nous remplacer par la jeunesse arrivante, j'espère qu'ils pourront marcher sur la Lune aussi et qu'ils seront aussi séduits que nous par cette vie-là, cette vie en rock et cette vie en rose, quoi. Lucie. Ben, donc, bonjour à tous, moi c'est Lucie, j'ai fait comme Jean-Pierre partie de l'association depuis ses débuts. Voilà, que dire par rapport à ce que disait Jean-Pierre, c'était surtout voilà, une aventure collective où il y avait énormément d'activités différentes. Ça n'était pas qu'une salle de concert, il y avait des résidences, l'atelier de sérigraphie, la cuisine. Enfin, il y avait des tas de choses qui ont été très très importantes pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire le lieu. C'était avec toutes nos différences, nos richesses de différentes cultures, on a réussi à faire cette aventure-là. Alors avant d'aller plus loin, une chose personnelle que je tiens à vous dire, à vous représentants de votre collectif, si on n'a pas de concert pour la sortie de ce témoignage qu'on est en train de faire sous la forme d'un livre et d'une compile, c'est parce qu'il n'y a pas d'Ursa Minor, il n'y a plus d'Ursa Minor à Saint-Étienne. C'est pour nous, ça aurait été l'endroit évident pour s'y retrouver, parce qu'on s'y retrouvait, moi à titre perso et dans d'autres collectifs, je me suis retrouvé plus que bien accueilli. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Du coup, on pourrait peut-être juste parler un peu pour peut-être des gens qui ne connaissent pas Ursa Minor. Il y a des gens qui écoutent Radio Dio sur sa jumelle numérique loin de Saint-Étienne, www.radiodio.org. Du coup, Ursa Minor, c'est quelles années ? Du coup, Ursa Minor a été créé en 2013, mais il ne faut pas oublier que c'était quelque chose qui existait avant, sous le nom de PTX, grâce à quelqu'un qui s'appelle Fourmi. Qui a tenu Bellevue Entrepôt pendant des années et des années. Et quand on a dû bouger de Bellevue Entrepôt c'était à partir de 2001 jusqu'à peu près en 2009. Donc on a dû bouger de là-bas et finalement Fourmi avait trouvé cet endroit-là qui était à 200 mètres. Donc vous êtes resté dans le quartier. On n'a pas bougé. Il y avait à côté de nous Greenhouse et Le Grand Luxe qui eux existent encore. Et donc du coup ça nous paraissait complètement logique d'être à cet endroit-là. Donc voilà, au fur et à mesure, on a retapé tout ce lieu, c'est énorme, des travaux énormes. Et Ursa, en tant que telle, a été créée en 2013, mais quand même auparavant, on est resté 2 ans en cohabitation avec, avec PTX, puisque Fourmi avait décidé que c'était trop d'activités dans l'ensemble. Donc on avait divisé le côté atelier du côté accueil du public. Après, je pense que pour la vie, le côté Bellevue et tout cet espace là, partagé, avec les, que ce soit le grand luxe et tout, là, c'est hyper important dans la vie de... Enfin, ça a été vu, je pense, par moult Stéphanois comme... c'était plus Bellevue, quoi, c'était Berlin. comme vous l'avez dit... Dans une chanson qui a été faite par un groupe qui a pas été, qui a été plus que résident Ursa Minor, puisque c'est Ursa Minor. Et vous l'avez retrouvé le morceau du coup ou pas? Oui, je crois. Enfin, ils l'ont peut-être retrouvé. Ah, mais, on se mettra alors. Ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé. L'autre jour, enfin samedi, j'ai croisé des personnes qui font partie de ce que j'appelle nos tribus. Et on reparlait un petit peu de tout ça dans le cadre du livre qui va sortir. Et une personne dont le prénom m'échappe parce que j'ai des difficultés avec les prénoms me disait à Ursa on était bien. Et ben je crois que c'est ce qu'il faut dire en premier, c'est qu'à Ursa on était bien en fait. C'est la meilleure façon de résumer. On peut raconter des centaines d'anecdotes, parler factuellement de toutes les soirées qui se sont passées, mais surtout un endroit où on était bien, où on se sentait bien, où on se sentait libre, où il n'y a pas eu de problème majeur à régler, c'est-à-dire que pendant 10 ans, voilà, les soirées se sont déroulées sans aucune difficulté, facilement, entourées de nos amis, c'est-à-dire qu'on faisait souvent des coproductions avec Avataria, avec la France Pu, avec d'autres collectifs qui étaient nos amis. Donc on était toujours entouré dans nos amis, dans un lieu qui était fédérateur et qui permettait à tout le monde de venir proposer quelque chose à faire ensemble avec Ursa Minor, puisque c'était le système qui était retenu par l'équipe d'Ursa Minor après quelques hésitations des premières années, c'était de faire des choses en coproduction. Voilà. On voulait s'impliquer dans ce qui se faisait à Ursa Minor et surtout faire à Ursa Minor des choses qui nous convenaient en fait. Donc évidemment nos amis nous convenaient, c'est pour ça qu'on les invitait chaleureusement. Mais ça permettait aussi à d'autres personnes de s'approcher de ce lieu et de proposer quelque chose. Et c'était toujours examiné très clairement, avec attention, quand, dans les réunions qu'on avait ensemble, quoi. Alors Lucie, tu disais que c'était pas qu'un endroit qui faisait du concert, qu'il y avait plein d'espaces utilisables pour vous ou pour d'autres. Est-ce que tu veux... C'est ça, on avait... Donc au départ, le local de répète, au départ aussi l'atelier de sérigraphie avec Romain, évidemment, qui a fait la plupart des affiches, des programmes, de tout. Donc, qui a fait la sérigraphie de la pochette de la quadruple compilation Furania. qui vient aussi de Romain. Ouais, c'est bien. Eh ben, écoute, voilà, c'est quand même quelqu'un de très doué, qui a donné beaucoup de son temps aussi par rapport à ça. Il y a eu des tas de choses de faites... Je me rappelle, octobre 2013, on avait fait un mois de sérigraphie sans s'arrêter, qui était un peu fou. Il y avait des gens de toute la France qui sont venus. C'était un peu fou. On était très fatigués à la fin, mais très, très, très contents de tout ce qu'on avait fait. Il y avait le local de répétition, évidemment, avec tous les groupes. Donc, il y avait Ursula, Solid Sleep, après, il y a eu Strega. Il y a eu des tas de groupes, 1000 kilos, évidemment. On était très contents et c'était relativement bien géré pour selon que le local était tout petit. Ils se sont quasi autogérés dans cette histoire d'espace, de lieu, de temps. Donc ça, c'était très chouette. Et du coup, je vous laisse introduire Ursula, qu'on se fasse une première respiration musicale. Ursula, c'est un groupe qui avait été créé sous une forme géante, si je puis dire, puisque je crois que la première fois, on devait être une quinzaine, pour la Ramones Battle, qui était un événement très stéphanois, qui s'est déroulé pendant 4 années de suite à Saint-Étienne. Et la Ramones Battle, qui sont évidemment des amis, nous avait sollicité pour organiser la dernière Ramones Battle, puisque comme chacun le sait, les Ramones, c'est 1, 2, 3, 4. On avait accepté avec grand plaisir. Après, on s'est dit, on reçoit l'événement, il serait peut-être pas bête d'essayer de participer, de faire un groupe. Donc ça a donné la naissance à un groupe qui s'appelle Ursula Not Dead, devenu Ursula par la suite, et qui a chanté Bellevue c'est Berlin. Ok, on écoute. Et on poursuit avec des représentants d'Ursa Minor. Et peut-être que du coup, sur un endroit qui a accueilli autant de gens sur Saint-Étienne, sous différentes formes, je propose peut-être d'essayer d'évoquer quelques événements qui sont marquants pour vous, que ce soit à travers vos collaborations, temporellement, par rapport à la vie du lieu. Ce que je disais à l'instant, on peut partir à peu près chronologiquement de 2013, donc c'était Écran Total. Où là, c'était vraiment une énorme collaboration et qui nous a donné envie aussi de continuer finalement à faire des collaborations. Alors, Écran Total, c'était quoi ? Alors, Écran Total, c'était une espèce de marathon de sérigraphie. Donc, pendant presque un mois, on a fait de la sérigraphie jour et nuit, sans arrêter, avec une radio en même temps, une radio en direct, une radio pirate. Il y a eu des magnifiques passages de vinyle pourri, c'était incroyable. Ils se sont évertués, big up à Georges, hein, qui s'est évertué à trouver les trucs les plus pourris possibles. On a beaucoup ri. Et il y avait, je n'ai plus me rappeler combien de participants, mais il y avait quand même beaucoup de participants, beaucoup de créations. On a encore des tonnes d'archives par rapport à ça. C'était très chouette. Je rejoins absolument Lucie sur ce choix, entre guillemets. Écran Total a été un des événements les plus, enfin, que j'ai vécu comme l'un des événements les plus marquants à Ursa Minor, même si ce n'était pas directement relié à des concerts ou à quelque chose de scénique, mais en termes d'ambiance, ça faisait partie de ces événements qui ont posé les choses et qui ont déterminé l'identité d'Ursa Minor, notamment l'identité collective d'Ursa Minor, et puis l'identité de diversité d'activités. Je pense que Fourmi, je parle pas parlant son nom, mais j'ai beaucoup échangé avec lui, il n'a jamais souhaité qu'Ursa Minor ne soit qu'un lieu de concert, surtout pas en fait. Ça l'intéressait pas vraiment de s'occuper de l'accueil public, et c'est pour ça qu'il a créé la deuxième structure qui était à côté de Petits Travaux et qui était à Ursa Minor, et qui était plus spécialisée entre guillemets dans la réalisation de concerts et de l'accueil public. Mais l'identité d'Ursa Minor était aussi ailleurs, était aussi dans Petits Travaux et notamment dans Écran Total, qui représentait bien le lieu tel que Fourmi, son fondateur avec Marion, l'avait pensé en fait. Donc, Ursa Minor avait un devoir de fidélité à ça aussi. Après le départ de Fourmi, c'est des choses que j'ai souvent évoquées avec lui, et c'est des choses que j'ai souvent essayé d'expliquer, de maintenir, parce que Ursa Minor avait une identité qui n'était pas seulement celle d'être une salle de concert, en fait. L'idée d'Ursa Minor, c'était de proposer une grande diversité. Alors, écran total, vous habitiez du monde un peu de partout. Comment ça se passait, la partie sérigraphie En effet, oui, c'était des participants qui venaient des quatre coins de la France. C'était plutôt le réseau de Fourmis. Il me semble que Romain avait beaucoup travaillé aussi là-dessus. De faire venir des gens de partout. Il y avait même des Belges, il y avait des Nantais, il y avait des Marseillais. Des Marseillais. Il y avait des gens, voilà, d'un petit peu partout. Je ne vais pas tous les reciter. Mais c'était pour que les gens puissent faire une idée. Mais du coup, avec votre riche histoire, vous avez peut-être aussi d'autres événements, qui vous reviennent, Moi, j'ai un peu les deux casquettes, mais j'ai été aussi marqué par les 20 ans de la France PU, une association complètement historique sur Saint-Étienne dans l'organisation de concerts punk rock, mais tout le monde sait ça, donc que... la France PU avait besoin d'espace pour accueillir tous les fans, avait fait ses 20 ans sur 3 jours, si je ne me trompe pas, à Ursa Minor. Et donc ça a été aussi un événement très marquant. La liste des événements marquants peut être longue, mais celui-ci en était un premier chef. Sachant qu'une fois de plus, on était là sur une collaboration qui permettait de ne pas faire les choses seules, mais de proposer un espace avec choses qui nous convenaient, bien entendu, à d'autres personnes. Ce qui est important, notamment dans l'événement, par exemple, Écran Total, ou dans l'événement local de répète qui existait à Ursa Minor, ou Sérigraphie, enfin, tout ce qui n'était pas spectacle, concert, c'était une vie permanente qu'on essayait d'enraciner dans Ursa Minor. Si dans une après-midi, il y a 3 groupes qui répètent, il y a de la vie pendant toute l'après-midi, on peut boire un café, etc. Donc c'était aussi l'idée de fonctionnement d'Ursa Minor, et pas seulement de dire ça commencera ce soir à 20h. Quoi, voilà. Donc, En vous écoutant, j'ai l'impression que votre événement le plus marquant, c'est la vie quotidienne d'Ursa Minor, quasi, du coup, et qu'on peut effectivement en extirper. C'est ce que j'allais dire, des événements marquants, il y en a eu plein. Effectivement, il y a eu les 20 ans de la France PU, il y a eu début des Danny Grec, il y a eu Underground du Pop, il y a eu les 10 ans de Catapult Records, il y en a eu plein, des choses comme ça, des collaborations avec la Laverie, enfin, il y a eu des tas de choses, mais en effet, ce qui nous tenait à cœur, c'était ça. Et moi, je pense à une chose, là. Par exemple, une année, on a fait une collaboration avec le Kino 3000. Et pour moi, ça m'a beaucoup marqué, parce que je faisais partie de l'événement. Et voilà, il y avait des gens qui tournaient de partout, des caméras, des... Alors, développe le Kino 3000 pour les... Donc, le Kino 3000, c'est un laboratoire intensif de création de courts-métrages qui dure une semaine. Donc, les collaborateurs se retrouvent un samedi soir, prennent l'apéro, se reniflent, se disent bonjour, etc. Le dimanche matin, ils ont un thème. Et après, c'est parti pour faire des équipes, écrire des scénars, etc. Et c'est passé au cinéma le samedi. Donc, ils ont une semaine pour tout faire. Et du coup, avant de se refaire un petit coup de respiration musicale, vu que vous ne m'aidez pas trop sur les événements, non, je plaisante, mais est-ce que du coup, il y a des groupes marquants, des choses, et on sortira après de ce côté marquant, des choses que vous revoyez des cons, que je ne sais pas, sous forme d'un concert, d'un... Moi, je sais que un des concerts qui m'a le plus marqué, c'était Inner Terrestrial, parce qu'on les avait déjà fait venir à Bellevue Entrepôt, donc avec PTX, et ils ont pu revenir, et il y avait encore le batteur légendaire d'Ursa, qui était, d'Inner Terrestrial, qui n'avait pas pu monter parce qu'il avait des problèmes de santé, et il était quand même venu là, et j'étais extrêmement fière de pouvoir dire ouais. Tous ensemble, on a fait venir ce groupe. Ça tombe bien, on va les écouter. Bah ouais, peut-être pas mal. C'est pas dans l'ordre, mais on s'en fout. En plus, on les a mal écrits dans le bouquin, désolé. Ah bah bravo. Ouais. big gentle unfold. And this is about the fight of millions under attack from evil's minions. This song is about the fascist threat and a history full of regrets. And this is a tale of countless deaths because of the lies on which we're fed. White nightmare. We must defeat the fascist cause. De retour sur le 895 de Radio Dio dans ce festival Radio Dio Phonique Furieuse Furania en compagnie d'Ursa Minor. Du coup, je vous propose d'essayer d'évoquer, alors c'est peut-être pas très tangible, mais c'est quelque chose qui ressort de vos propos, peut-être de parler un peu de l'état d'esprit d'Ursa Minor, puisque au-delà d'actes, de faits, d'événements marquants ou de groupes marquants, on sent un réel état d'esprit. Donc si vous avez envie de prendre la parole là-dessus. Oui, effectivement, Ursa Minor, alors comme l'expliquait Lucie, Ursa Minor est né d'un historique en fait, c'est-à-dire d'un passage de petits travaux à Ursa Minor. Et même s'il y avait des personnes qui étaient communes aux deux entités, au final, bon, y a eu à peu près deux équipes assez distinctes. Et l'équipe qui a reçu, d'Ursa Minor, qui a reçu donc ce lieu en cadeau, on peut dire ça comme ça, on l'évoquait avec Ursa, avec Lucie. C'est à peu près ça, quoi. En venant ici, donc c'est ici. C'est... En venant ici, au début, Ursa Minor, on ne savait pas bien s'en servir, en fait, parce que on s'est aperçu. Il a fallu un peu de temps pour qu'on s'aperçoive que c'était une machine d'une puissance terrible, en fait. À Ursa Minor, on pouvait faire plein de choses. On pouvait faire des concerts, on pouvait faire de la sérigraphie, on pouvait imprimer des tracts, on pouvait faire des conférences, on pouvait imprimer des affiches, on pouvait mettre une radio libre. Donc c'était une machine très puissante en termes de communication, d'accueil et de proposition. Et cette machine très puissante, il fallait aussi une équipe puissante pour la piloter, parce que ça demandait beaucoup d'énergie, une énergie constamment qui devait se renouveler constamment. Donc, avoir un lieu, c'est formidable, c'est sympa, toute la ville en rêve, mais c'est une énergie colossale et une énergie qui ne s'arrête jamais, en fait. Et donc le bonheur d'Ursa Minor, ça a été surtout d'avoir une équipe énergique, motivée, et qui a été là, on peut dire, H24, pour piloter cette puissante machine, en fait. Et ouais, ce qui a fait notre force aussi, c'était nos différences de point de vue, de façon d'imaginer les choses, et ce qui nous a amené à beaucoup discuter, à beaucoup... évoquer les projets plus ou moins agréables pour certains, pour d'autres, etc. Donc on a vraiment beaucoup parlé de ce qu'on voulait faire et justement de cet état d'esprit. C'est plus le lieu finalement qui nous a vraiment rassemblés, parce que comme disait Jean-Pierre, il y avait beaucoup de possibilités de faire les choses, et donc il fallait cette équipe forte qui s'entende pour faire avancer les choses. Donc de fait, eh ben, on a fait beaucoup de réunions, de choses ensemble. Moi, j'ai des souvenirs de par exemple 1000 kilos qui répétaient et que voilà, on était en train de monter, de mettre en place une soirée. Bah du coup, qu'ils ont arrêté leur répétition un petit peu plus tôt pour venir nous aider. Et puis finalement, ils sont restés jusqu'à la fin. Enfin, et des tas de groupes comme ça. Fight, il était trop fort pour ça. À chaque fois qu'il répétait, il était là, il participait au lieu. Enfin, tout le monde participait au lieu, au mur, c'est-à-dire il y a un coup de peinture, il y a un mur à remonter, il y a un coup d'électricité à faire, et tout le monde s'y mettait dans ses possibilités, bien sûr, mais tout le monde s'y mettait avec bon cœur. Oh, j'ai l'impression que du coup, ça a été aussi une vraie expérience collective en termes de choix, de prise de décision et tout, vu le nombre d'activités, comme tu disais, Lucie, d'arriver à faire en sorte que tout le monde s'y retrouve et d'apprendre à s'écouter. Oui, Ursa Minor était, on peut vraiment le dire sans restriction, était exclusivement collectif, en fait. Pendant le temps que j'ai passé avec Lucie et tous les autres à Ursa Minor, je ne me souviens pas qu'il y ait eu une seule décision autoritaire de Pierre ou de Paul. Il n'y a pas eu de décision autoritaire, il y a eu des décisions collectives, mais qui étaient prises en souplesse, en fait. Alors, on n'était pas toujours d'accord sur tout dans les réunions, loin de là. Comme l'évoquait à l'instant Lucie, chacun faisait valoir ses envies, ses préférences, etc. Donc, il n'y a pas toujours une convergence totale sur on fera jouer ce groupe ou on le fera pas jouer. Ursa Minor n'était pas un lieu de caprice, c'était pas un lieu pour dire ah bah tiens, j'aime bien machin, je vais le faire jouer. C'était une aventure complètement collective qui devait satisfaire le collectif, mais au-delà de satisfaire le collectif, satisfaire aussi le public de notre ville, c'est important parce que URSA s'inscrit dans notre ville pour que les gens de notre ville y trouvent leur compte également et viennent avec plaisir à URSA Minor. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que quelquefois, pour avoir fait à de nombreuses reprises les entrées, il y a beaucoup de gens qui venaient pour la première fois à URSA Minor, qui rentraient complètement émerveillés, à qui on leur disait « mais si vous voulez, vous pouvez en faire partie ». Et en fait, on n'était pas très très sollicité pour devenir membre d'URSA Minor, et c'est assez surprenant en fait. Vous étiez combien de membres actifs à votre avis ? On était une dizaine. Tu parles d'un noyau dur, quoi, en fait. Hein. C'est ça, oui. On était une dizaine. Ils disent « il faut bien ça », entre guillemets. C'est un petit minimum, quoi. Et il était fréquent que pour des soirées, on ait recours à du recrutement de bénévoles dans les associations amies, que ce soit Avataria, la France Pu, etc., parce que ça nécessitait... J'ai ouï dire que vous étiez assez autoritaire sur la gestion de vos bénévoles, qu'il fallait remplir son nom dans des petites cases. Tout à fait. On avait cette rigidité-là, oui. C'est que des ouï-dire. Hein. Il y avait cette rigidité-là, oui. Non, c'était parfait. Du coup... Jean-Pierre, on n'a pas écouté ton groupe phare, et peut-être que tu vas nous le proposer, mais nous le présenter. Mon groupe phare, enfin, la claque que j'ai prise à URSA Minor, comme on dit, c'était Dukoum. Si je ne me trompe pas, c'est un groupe sud-africain avec une chanteuse qui était belge et qui n'était pas dans une lignée rock'n'roll classique, mais qui était quelque chose de complètement neuf et qui personnellement m'a mis une bonne claque. On écoute ? Allez. Grew up in the motherfucking crossroads of black and white. Yes, I never like you white. This place is Osama Bin Laden. Let's say I'm fighting for silence. I'm too black to be a darky, too semi-automatic for the trigger. I'm too collabo with David Bennett to feature. Damn it, we do damage with two Bennett. We do y'all cater, my man. You do y'all not damage to David Bennett. Inside the ghetto, they lie that we stay alive. They lie outside the ghetto. They say the ghetto survive. Is the rip-off of the apes conversate, but don't say shit. I'll rip your fucking face off every fucking one. A little bit fucking racist. Die inside the ghetto, then lie that we stay alive. Was. And say the ghetto survives. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. My name is David Banner, yeah. And I think all oppressed people all around the world should come together against our biggest threat. Who raped us, misplaced us, put us in the bottom of a boat, hung our neck from a rope, laced our hoods with the dope y'all did. Now we bleach our skin, hate our kin, we hate everything about us. Religion is such a my fuck, Jesus don't look like a nut. But I'm blood diamonds, I'm blood rhyming, meditating, backfiring, y'all still lying. Still trying to find justice for Trayvon, Mike Brown. Guns up for Eric Garner. We bust, you lust for Ilan. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. America is the land and the home of the damned. I'm David Banner from Mississippi with a contraband in my hand, in my hand, in my hand, in my hand, in my hand. I'm David Banner from Mississippi. The worst thing that happened to the African is the white man. The worst thing that happened to the African is the white man. The I'm a kafir in your hippie. You rape me, oh fuck your baby. You white people created apartheid. Rape my mother right there in front of me one day. You bungee jump my father, nine white men. Then force a man to suck nine white cocks in front of me, son and wife there. White people look at me like rubbish. What monkeys see, monkey do, and I can see right through you garbage. You force removal laws, who's the thief? Victim offended you, but the victim is victim of your deeds. They say, white people, you are the racist. Stop, listen, white person, you the fucking racist. If my mom's a kafir, you the kafir lover. I shall be motherfucker, any fucking color, even fucking white can suffer. Effectivement, ça, ça rigole pas trop. Hein. Ouais, wow, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, moi, j'avais les sous-titres en plus là sur l'écran. Putain de Dieu. Donc, là. Lolo, hein, le mon comparse de la semaine, qui ce coup-là est du côté technique, mais demain en inverse. Hein. du coup, on va avancer dans notre discussion. Donc, on a. Évoquer les débuts d'Ursol, la transformation de PTX en Ursol, le collectif derrière, l'état d'esprit, des événements marquants. Bon, Ursol n'existe plus depuis peu. Je pense que c'est important pour les Stéphanois et au-delà des Stéphanois et des Stéphanoises d'entendre des choses, parce que du coup, c'est quand même des choses qui sont survenues aussi sur des périodes confinées, on va dire. Des choses comme ça, donc j'aimerais bien vous laisser le temps d'évoquer ces souvenirs qui sont peut-être pas les plus rigolos de l'histoire, mais on rebondira, c'est un peu notre mission dans la vie. Et donc voilà, la, en gros, c'est quoi, comment la fin dure ça, c'est pourquoi la fin dure ça. Donc on va essayer d'être assez concis. Il y a eu quelques départs au niveau de l'association Ursa Minor en tant que telle, des disques qu'il y avait. Voilà, sans citer de nom parce que ça va être trop long. Il y a eu des départs, il a fallu qu'on réfléchisse à une nouvelle forme de fonctionnement. Et donc, tu parles du noyau dur, départ du noyau dur, ouais, okay. Des disques dont je parlais tout à l'heure. Il a fallu qu'on réfléchisse à une autre forme. On a réfléchi à la collégiale qui nous semblait beaucoup plus adéquate par rapport à notre fonctionnement. Qu'un président, secrétaire, trésorier, la collégiale, c'est tout le monde et à égalité avec tout le monde, et ça nous semblait... Oui, parce que la forme initiale, c'était ça, c'était associatif avec sous le format classique, président-président, ok, ouais. D'accord. Exactement. Donc voilà, on s'est dit que ça, c'était beaucoup mieux. Il y a eu... faut pas oublier qu'Ursa Minor, c'était quand même dans un lieu qui a été mis à disposition par la mairie, donc on en était forcément aussi dépendant. Mais qui était quand même, voilà, mise à disposition à titre gratuit. Vous étiez financé du coup par la... On était un petit peu financé, un tout petit peu. C'est-à-dire que c'était plutôt de l'aide matérielle ou c'était vraiment... Non, il y avait peu d'aide matérielle, il y avait je crois 2000 ou 3000 euros. De fonctionnement quoi. De fonctionnement. Ok, donc rien pour une... Pour une structure pareille, ouais, c'était vraiment okay. Pas grand-chose. Et il est arrivé un audit par rapport à tout le site Mosser, donc c'est-à-dire... tout le site Mosser, toutes les assos qui sont là-haut, par rapport à la salubrité des lieux. Et donc, ils nous ont dit, on a fait passer des experts de la toiture, de l'amiante, de la pollution, de la structure, etc. Et voilà, et je me rappelle d'un fameux mois d'octobre où on s'est retrouvés à la mairie. Ils nous ont dit, maintenant, Ursa, faut en parler au passé. Donc là, on est en octobre 2019. Exactement. OK. Donc, on a passé des mois avec quelques-uns du collectif à chercher d'autres solutions, à demander à la mairie d'autres possibilités d'hébergement, ou voire même de réparation. Nous, on était prêts à... S'il y a quand même beaucoup de gens autour de nous, on pouvait faire un crowdfunding avec quelque chose. Enfin, il y avait des financements européens qui étaient possibles. Enfin, il y avait tout un tas de choses qu'on a proposées à la mairie. Et ça a été refusé. Ils voulaient même pas qu'on bouche le trou, la fameuse dalle qu'on a appelée Béatrice. Et parce que du coup, les problèmes de salubrité, ça touchait la dalle principalement, c'est ça? Le toit et la dalle, oui. D'accord. Mais principalement, ils ont pris comme argument la dalle, mais bon, je crois qu'ils avaient plus envie de nous voir. D'accord, c'est là qui rendait le lieu ne pouvant plus recevoir public. J'ai plus la formule consacrée. C'est ça, ERP, établissement recevant du public. Et de fait, ne pouvant plus recevoir de public, l'organisation de concerts, outre le plaisir qu'on y prenait, ça va de soi, C'était aussi le moteur économique d'Ursa Minor, puisque ça permettait de financer le lieu. À partir du moment où il n'y avait plus d'Ursa d'accueil public, Ursa Minor n'était plus économiquement viable. Parce qu'il fallait payer une assurance, il fallait payer des fluides, c'était pas gratuit en fait. Donc à partir du moment où on n'avait plus de rentrée d'argent qui était celle qui nous provenait des concerts, etc., on ne pouvait plus continuer à assumer financièrement le lieu, clairement, quoi. Et on a essayé pendant un temps de conserver les résidences, parce qu'on a fait quand même pas mal de résidences, théâtre, création, etc. Et même ça, ils ont dit non, on ne veut plus personne dans les murs. D'accord. Et en plus, vous êtes tombé donc sur l'extinction confinement qui ne vous a pas forcément permis, j'imagine, de faire une communication dans la ville pour que ça se sache et que vous ayez plus de soutien, j'imagine. C'est exactement ça, oui. C'est intervenu, entre guillemets, au plus mauvais moment, puisqu'il y avait confusion des problèmes, en fait. Il y avait le problème qui était inhérent à la sécurité, entre guillemets, d'Ursa Minor, et puis le problème sanitaire du Covid. Donc il y a eu un mélange qui était fatal, en fait. Donc là, vous étiez dans le Noé sur l'exploitation d'Ursa telle qu'on l'avait connue, mais j'imagine que vous avez peut-être cherché d'autres lieux aussi de... On en a cherché beaucoup. Pendant plus de 6 mois, on a cherché, on a visité des lycées, des écoles, mais qui n'étaient pas adaptés ou pas adaptables, ou on a eu droit à des refus. On a même cherché dans le privé, mais dans le privé, c'était juste hors de prix. D'accord. C'était pas possible. Par ailleurs, ceux qui nous écoutent savent très bien que organiser des concerts, ça fait du bruit, quoi. Donc c'est très compliqué. Ça ne parle pas n'importe où. On ne peut pas se mettre n'importe où. Même si à Ursa, on a eu très peu de problèmes avec le voisinage, il y en avait quand même un, donc on était vigilants. À partir du moment où on va mettre des enceintes et des guitares, on sait que ça va faire du bruit, et c'est très délicat de trouver un lieu qui permette ce bruit, en fait. Et qui soit, par ailleurs, facilement accessible, puisqu'effectivement, on peut jouer dans la forêt, mais c'est moins confortable pour le public, quoi. Oui, puis c'est plus compliqué. Hein. Et du coup, je sais pas, vous avez envie de dire d'autres choses sur cette triste fin qui est quand même pas. Bah si, moi je pourrais ajouter que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont regretté en disant oh là là, mais quel dommage, mais c'est fichu, c'était mieux avant, on n'aura plus jamais ça. Moi j'aurais tendance à dire non, il vaut mieux voir ça comme une belle histoire qui a duré 10 ans et qu'il y aura des autres belles histoires. Mais voilà, ce ne sera pas nous, ce ne sera pas cet endroit-là. Mais j'espère que du coup, ça va rebondir. On revient au concept de la zone autonome temporaire, qui est moult fois évoqué ce jour. Et que voilà, moi, je suis un peu d'une autre génération, mais je sais qu'il y a des jeunes qui se bougent et qui essayent de faire des choses. Et je trouve que c'est là-dessus qu'il faut rester, plus que sur un regret du passé. C'était génial, c'était super. Il y a eu des hauts, des bas, on a fait plein de trucs, mais voilà, ce qui compte, c'est après. Et comme tu l'as dit en préambule, avec délicatesse, Dom, on est tous des vieux, donc on sait tous comment pour mourir jeune. Pour mourir jeune. J'ai pas arrêté la phrase, je m'en Mais on sait tous, par expérience, comment ça fonctionne sur la ville, des choses meurent, des choses renaissent, etc. On a eu la chance de participer à plusieurs naissances et à plusieurs renaissances, donc on sait que ça va renaître ailleurs, et j'ai entendu dire sur la ville qu'il y avait déjà des nouveaux-nés. Ah, très bien. Et sur votre... Moi, je veux des noms, hein. Ah, mais je sais pas, on peut le dire. T2O, on peut les citer, par exemple. Ah ouais, qui se citer Verboucan aussi. On peut citer Verboucan également. Si c'est la relève, il faut les citer. Ah oui. Les copains. Bah, on les cite sans réserve, T2O, Verboucan, pour ceux qu'on connaît. Et l'allée autonome aussi. Et qui se revendique aussi de cette lignée, donc c'est parfait. Très bien. Chouette. Et du coup, sur votre... c'est un travail qu'on a fait un peu ce matin en direct avec la partie Avatarium, Metzko, que je pouvais représenter. Vous avez, sur votre fonctionnement, globalement, vous avez des regrets, des choses que vous feriez autrement, même si j'ai entendu que quand tout va bien, on n'a pas besoin de changer. C'est une question difficile, quand même. Ah bah, si je peux poser des questions faciles, il faut bien sur la fin. Clairement, même avec la meilleure volonté. Moi, j'ai aucun regret. Je me dis pas que quelque chose s'est mal passé, en fait. Pendant le temps qu'on a vécu là-bas, les choses se sont toujours très bien passées tout le temps, quoi. Après, voilà, on est dans un monde compliqué. Il a fallu gérer des gens, il a fallu gérer des moments, il a fallu gérer plein de choses. Mais voilà, ça fait partie de, c'est la, juste la vie, quoi. Donc après. Globalement, c'est peut-être prétentieux de dire les choses comme ça, mais moi j'ai pas de regrets et pas de remords. Tout va bien, tout s'est bien passé. Alors toi, on avait préparé, parce qu'on a bien préparé cette émission à l'avance, on s'était dit qu'après ce moment où on invoquerait forcément un moment la fin du RSA, on choisirait un morceau pour aller de l'avant, et que c'était toi qui l'avais choisi et qui allait nous dire pourquoi on va aller de l'avant avec ce morceau. Ouais, moi j'ai choisi un morceau de Strega parce que c'est un des groupes voilà, qui a répété très longtemps aussi à URSA, et on a fait un clip avec eux à URSA qui s'est quand même plutôt bien passé, et voilà, je voulais leur faire un petit big up. Allez, big up à Strega. Un de ceux qui élargissent les rivières avec leur regard étroit, méprisent la toile de jute sans élever le verre à soi. Un de ceux toujours présents pour ramener le verre à soi, et qui s'ils ne voient pas la mer n'iront pas dans le delta. Un de ceux qui faiblissent quand la pression monte, ceux qui aiment la balle revanche et les tontes. Un de ceux que l'ennui et la jalousie ont exacerbé. Un de ceux de la pente descendante qui ne remonteront jamais. Un de ceux des lotissements qui n'y font que survivre. Un de ceux qui aiment leur pays, leur purge et leur naturalisme. Un de ceux qui aiment voir pisser le sang de leurs voisins. Celui qui aime le folklore sauf si ce n'est pas le sien. Un de ceux qui vit dans le luxe, qui écrira son épilogue tout en détournant le regard des migrants dans leur pirogue. Un de ceux qui veulent faire taire leur entourage, qui croient en la taille de leurs pneus et qui dévisagent. Un de ceux qui utilisent leurs bêtises comme un sceau sacré. Un de ceux qui vient des abrutis et des autodafés. Un de ceux qui frappent leurs meufs, même sur une seule guibole. Qui bosse à la pénitentiaire et veut gérer ton hall. Un de ceux qui n'aiment leur vie que loin du précipice. De ceux qui se disent rebelles mais qui trompent pas la matrice. Un de ceux qui aiment le chaos tant que ça peut pas leur arriver. Qui frappe fort dans ton dos et puis parle d'amitié. Un de ceux qui te mettent en joue et te disent enlève ton masque. Les mêmes qui te fliquent en 2020 parce que t'as pas ton masque. Un de ceux qui prient dans l'épreuve ne voudront plus te parler. Et qui pour de la porcelaine vendront une tasse en papier. Et loin d'abreuver, ils feront que tarir. Un de ceux qui se font du fric à te voir pourrir. Celui qui veut ta place même si t'es en train de crever. De ceux qui n'ont jamais tort et prétendent tout changer. De ceux qui veulent ta place et iront te dénoncer. Celui qui n'a jamais tort et parle d'autorité. Un de ceux qui veulent leur gueule en haut d'un pilier d'arcade. Un de ceux qui bug les fans, le nez dans la pince à crabe. Un de ceux qui ne savent pas bouger alors qu'ils le devraient. Vendront leur âme pour peu d'or et iront s'agenouiller. Un de ceux investis pour le monde que dans son désarroi. Ceux qui n'ont pas connu l'échelle et ne tomberont pas plus bas. Ceux qui voulaient être Icar mais n'y arrivent toujours pas. Qui kiffent la vie par étapes, surtout s'il n'y en a pas. Un de ceux qui aiment le bruit du coup quand il s'abat sur la chair. Un de ceux qui se barrent en taille dans le barré que la viande n'est pas chère. Un de ceux qui n'aiment l'Europe qu'avec des croix gammées. De ceux qui ne rêvent que de conquête face à la Voie lactée. Un de ceux qui n'aiment l'Europe qu'avec des croix gammées. De ceux qui ne rêvent que de conquête face à la Voie lactée. Face à la Voie lactée. Ne laisse pas écrire l'épilogue. Ne laisse pas écrire l'épilogue. Donc ne laissons pas écrire l'épilogue. Alors pour lancer notre célèbre rubrique anecdote, je propose de m'adresser directement à Lucie et de l'imaginer un dimanche matin, un lendemain d'une grosse soirée. Ouais, c'était toujours les fameuses anecdotes qu'on avait le dimanche, en disant à tout le monde, le samedi, en fin de soirée, genre plutôt vers 6h du matin, en disant, qui est-ce qui est là demain? Donc on avait toujours un peu peur de savoir combien on serait. Et on a fait quand même beaucoup de dimanche matin, les pieds dans l'eau, à tout passer à grande eau, avec l'aspirateur, à frotter dans tous les sens, comme chaque collaboration qu'on a pu faire le connaissent, le fameux dimanche matin à faire ça, à s'arroser quand il fait chaud, à se peler quand il fait froid, parce qu'il faisait quand même très très froid l'hiver, et essuyer les fameux gobelets, des centaines et des centaines de gobelets, en se racontant les blagues de la veille. Voilà, c'était... Et en comptant les fûts qui avaient été... En comptant les fûts. Vidés. Il vaut mieux qu'ils soient tous vidés, c'est moins lourd le lendemain pour les réunir. Et toi, JP, une petite anecdote, non? D'anecdotes factuelles, il n'y en a pas une qui me vient particulièrement en tête, même si on pouvait en raconter... Peut-être par rapport à Ursula. En raconter mille. Non, moi, ce que je retiens d'Ursa Minor, c'est ce que c'est un petit peu... tout ce que ça nous a apporté aussi, j'imagine, je parle pour moi, mais aussi je parle aussi pour les autres. Je pense que ça, c'est l'expérience humaine, c'était cette aventure humaine qui était tellement formidable et qui a, je pense, enrichi tout le monde. Enfin, tout le monde y a trouvé son compte humainement. Parce qu'on sait tous qu'on va au concert parce qu'on aime bien les groupes, mais ça c'est la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est qu'on va voir les potes, quoi. Alors non seulement on voyait les potes, mais on faisait des choses avec les potes. Donc le vrai diamant d'Ursa Minor, c'était ça, quoi. Donc et à titre personnel, un jour Fourmi s'est assis en face de moi en disant, je pense qu'on pourrait faire ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu veux bien faire partie de l'équipe qui sera pilote de ça. On m'a fait un joli cadeau ce jour-là, quoi. Donc Tu as anticipé ma question, enfin la question, je suis pas vraiment dans le questionnement, mais justement c'était plutôt qu'est-ce que vous en reteniez à titre personnel, je pense qu'on a évoqué le collectif. Bah c'est ça, à titre personnel, c'était vraiment pour moi une grande aventure, parce que je suis quand même arrivée dans PTX en mars 2003, je me rappelle. Donc voilà, c'est quasiment 20 ans de ma vie, enfin plutôt 18 pour être juste. Ça fait beaucoup. J'ai rencontré tout un tas de gens, tout un tas de savoirs. Je suis toujours aussi nulle en culture musicale, mais ça, c'est pas grave. Par contre, l'aventure humaine était exceptionnelle, oui. Comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, il y avait des hauts, des bas, des gens avec qui on s'entendait plus ou moins, des affinités, des gens qu'on n'aimait pas, mais voilà, on a digéré tout ça pour faire ce qui était Ursa Minor, et maintenant que ça n'existe plus, en effet, ça me manque un petit peu. Mais voilà, je fais partie d'autres collectifs aussi, comme je disais tout à l'heure, Verboucan ou d'autres... où on essaye de continuer un petit peu cet état d'esprit-là, de dire on peut y arriver, même si on n'a pas trop de sous, on a du savoir-faire, on a du savoir-vivre, donc on peut faire quelque chose. Et on a des copains. Du coup, tu veux nous dire quelques trucs sur Verboucan ou c'est trop... Juste par rapport à la Oisée, ce qu'ils ont créé l'année dernière, c'était quand même exceptionnel de squatter... Le floor a été mis à disposition pendant presque 4 mois. Ils ont fait un truc incroyable. Il y a eu 2 fêtes mémorables. Ça m'a fait très plaisir de que ça puisse exister et voilà que ce sont des gens qui sont des gens incroyables et qu'il faut soutenir aussi. Voilà un message tourné vers l'avenir, on va dire. Du coup, en gros, moi, j'ai plus trop de. Je vous propose une petite dernière pause musicale et tout ça. Et peut-être, déjà, moi, au nom de la team Furania, de vous dire que pour nous, c'était évidemment hyper important que vous soyez représentés dans ce projet-là. Ce projet-là, je pense que vous allez peut-être pouvoir rebondir sur ce que je dis, mais vous vous associez, vous êtes complètement inscrit dans l'histoire de la ville, dans l'histoire de la transmission de la ville. Vous étiez un peu, je pense que vous avez rencontré à peu près tous les collectifs de Stéphanois qui voulaient s'exprimer. Nous, c'était important d'en raconter l'histoire. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou pas. Si vous ne voulez pas, je prends ma pelle et mon seau, puis on remet un petit morceau de musique. Non, merci. En tout cas, je voulais dire merci de nous avoir invités. Effectivement, merci de nous avoir invités. Voilà. J'espère qu'on s'est inscrit effectivement, comme dit Dom à l'instant, dans la belle histoire de notre ville, quoi, dans la belle histoire alternative de notre ville. Et ce qui me satisfait à l'instant T, pour avoir rencontré, Lucie parlait de Verboucan, moi j'ai eu des contacts avec T2O. Tu veux nous en parler ? Simplement pour dire que je me suis, dans les échanges que j'ai eus, des échanges verbaux avec eux, ils se reconnaissent comme les. La suite de ça. Ils se définissent pas exclusivement comme des gens qui ont inventé quelque chose de nouveau, mais ils seront les nouveaux porteurs de la flamme. Et ça, et que quelqu'un s'en revendique, je trouve ça très confortable pour nous qui reculons un peu, quoi. Et du coup, comme il y avait plein d'activités dans URSA, elles se sont un peu éparpillées, ou elles se sont toutes arrêtées, ou que tout avait pas tout vivait ensemble, mais tout n'avait pas forcément un besoin vital pour d'être au même endroit pour pouvoir exister, ou Non, Romain, lui, il a déménagé, son atelier existe encore, la cuisine existe encore dans d'autres endroits, le local de répète, au fur et à mesure, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'endroits pour répéter, et souvent c'est très complet, mais au fur et à mesure, ils ont réussi à se caler à droite à gauche. Donc là, c'est quand même des choses qui ont existé encore, mais plus en et tant que telles. Qui existent encore. Oui, c'est pas été un démantèlement complet. Enfin, il y a eu un démantèlement sur le lieu, mais les flammes ont continué à vivre ailleurs. Quoi. Et elles continuent, j'espère. On dirait. J'espère. On se fait un petit morceau pour la route, comme on dit. Le petit dernier morceau, c'est Malfino. Là, c'est un petit clin d'œil à Alix, qui nous avait permis de faire les 10 ans d'un label qui s'appelle Catapult Records. Ok. Vous voulez un petit mot pour la fin, ou on envoie la musique comme ça ? On envoie la musique. Allez. Au plaisir. Au plaisir. Yeah.